بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سندخل في المسألة الواحد واحدة وسبعين وستة وسبعين مسألة في قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. الله عز وجل رسول dit que le feu, il dit le feu sera votre refuge éternellement dedans, hormis ce que Allah aura voulu. Verset 128, Al-An'am. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Comme cette masala sera un petit peu longue, on la fera en deux vers كذلك. قال هذه الآية الكريمة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير باق بقاء إلا انقطاع له أبدا. لا انقطاع له أبدا. ونظيرها قوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فاعل لما يريد. وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا. Donc là, ce noble verset laisse comprendre que le razab ou le châtiment du feu ne demeurera pas. Qu'il cessera un moment. Et à l'exemple de cela, la parole d'Allah, dans le sens où il dit, quant à ceux qui ont été damnés, ils seront au feu et ils y auront des soupirs et des sanglots. Ils y seront éternellement tant que les cieux et la terre, c'est-à-dire demeureront, sauf ce que ton Seigneur aura voulu. Certes, ton Seigneur fait ce qu'il veut. Sourate Hud, versets 106 à 107. Également, ça part dans ce qu'il dit, ils y demeureront des siècles successifs. An-Naba, verset 23. Donc ces versets laissent apparaître comme si le châtiment du feu allait cesser. وقد جاءت آيات تدل على أن عذابهم لا انقطاع له كقوله تعالى خالدين فيها أبدا النساء. Et que d'autres versets sont venus démontrer que son châtiment sera ininterrompu, éternel. Comme dans sa parole où il dit, ils y seront éternellement. Sourate An-Nisa, verset 169, et les Ahzab coalisés, verset 65, et El Jin, verset 23. Donc là, c'est le mas'ala, d'accord, par rapport au fait que, est-ce que le châtiment du feu, ça sera, ou pas. Yani tout simplement, bifina en nar, l'extinction du feu, par la suite. Al-jawabu an hadha min wajh, ou min awjuh. أحدها أن قوله تعالى إلا ما شاء الله معناه إلا من شاء عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحدين. Donc en premier lieu, sa parole lorsqu'il dit hormis ce que ton Seigneur aura voulu, le sens c'est hormis ceux dont ton Seigneur aura voulu qu'ils ne soient pas éternellement dans le feu, c'est-à-dire parmi les gens des grands péchés de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وقد ثبت في أحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون منها وهم أهل الكبائر من الموحدين. نقل ابن جرير هذا القول عن قتادة والضحاك وابن سنان وخالد بن معدان واختاره ابن جرير. وغاية ما في هذا القول إطلاق ما أريد به وإرادة ما ونظيره في القرآن وانكحوا ما طاب لكم من النساء. Donc là c'est venu dans des hadiths authentiques, d'accord, que les gens de les muwahidun, ceux qui sont les gens du tawhid parmi la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, rentreront au feu et finiront par ressortir. Et également, ce que des mufassiroun, ils ont dit, comme Ibn Jarir, selon Qatada, Wad-Duhak et autres, ils disent que le « ma la ismousoul », on avait parlé déjà dans un verset précédent, « ma ismousoul », à ce moment-là, il veut dire « man ». On avait dit que « ma », des fois, c'est « ismousoul » à la base pour « ghayl alim »,« ghayl aqil », pour les choses qui ne sont pas douées de raison, ou qui n'ont pas de savoir, comme les objets, les animaux, ghayl zalika. Et parfois, il peut avoir le sens de man. Et là, c'est ce qui est voulu. Mais dans là, c'est le sens de man. C'est l'ismousoul pour le alim, pour le aqil. Et l'exemple de cela, c'est que ce mais a été utilisé dans ce sens-là, dans le verset où Allah Azzawajal, dans le sens, il dit, sourate Nisa, verset 3, et épousez ce que vous voulez parmi les femmes. Donc il a dit, ma tawbel lakum, ma tawbel lakum. Donc là, et pourtant il parle des femmes. Et les femmes, c'est aqil, tawib, alim. Donc pourtant il employait ma, il n'a pas dit man tawbel lakum min Nisa. Donc il dit là, le ma et le man sont du même niveau. C'est ce qui est voulu là. Et c'est une masala qu'on a déjà évoquée auparavant dans les douloureux précédents. Donc ça, c'est le premier call. Athani. أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مسيرهم قال ابن جرير قاله ابن جرير أيضا. Et d'autres, ils ont dit, comme ابن جرير également, parmi les réponses, que cette mudda qui cessera, en fait, dans le châtiment du feu, ce qui est voulu par là, c'est la mudda qui aura entre le temps, en fait, qui aura après le châtiment de la tombe, jusqu'à ce qu'ils reviennent au feu éternel, c'est-à-dire après sa mort, l'être humain est dans sa tombe, parmi eux ceux qui seront dans les délices et parmi eux ceux qui seront dans les châtiments. Lui parle de celui qui sera dans le châtiment, son châtiment va demeurer jusqu'à ce que Allah le ressuscite. Et là, de sa résurrection jusqu'au jour où il retournera en enfer, cette moudala du feu va s'arrêter. Et elle va reprendre à quel moment ? Au moment où il va retourner au feu. Et là, cette fois-ci, sera éternelle. Ça, c'est un call également. قال أوج الثالث أن قوله إلا ما شاء الله في إجمال وقد جاءت الآية والأحاديث الصحيحة صريحة بأن خلود بأنهم خالدون فيها أبدا وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له والظهور من المرجحات والظاهر مقدم على المجمل كما تكرر في الأصول. Donc troisième réponse, c'est que dans sa parole, il est ma chère Allah, hormis que ton Seigneur aura voulu, tout ce que Allah aura voulu, c'est une parole qui est vague, c'est une chose qui est vague, qui n'est pas précise. Et on a d'autres ahadiths qui sont eux clairs et précis, qui disent que le feu ne s'arrêtera pas. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que comme dans les règles de Ossoul et autres, on fait passer ce qui est précis pour ce qui est vague, qui est général. Comme dans les ayats du Coran, de faire passer le murkam sur le mutashabih. C'est la même chose. Après, il dit également, rahimahullah ta'ala, wa minha أن إلا في سورة هود بمعنى سوى ما شاء الله من الزيادة على مدى الدوام السماوات والأرض. Parmi les réponses également que le sens de إلا, lorsqu'on dit sauf que ton Seigneur, sauf que ce que Allah aura voulu, إلا c'est un adat istisna qui veut dire sauf, hormis. Et là en fait, il peut aussi venir dans le sens de en dehors de ou autre que, c'est-à-dire autre que ce que ton Allah aura voulu, comme ajout. Hein, comme ajout sur la durée des cieux de la terre. Wa qala ba'd al-ulama inna al-istithna 'ala dhahirihi wa annahu ya'ti 'ala an-nar zamanun laysa fiha ahad. Et d'autres ulama disent que illa à ce moment-là, non. Il reste selon son apparent et eux ils voient que le feu s'arrêtera au bout d'un moment. Après, cita certaines paroles de ceux qui voient que le feu s'arrêtera, et des ahadiths, ou plutôt des athars basés là-dessus. Avant de les citer, il faudra savoir que tous ces athars, il n'y en a aucun qui est authentique. Tous contiennent de la faiblesse, les zaf. Hormis un de Abu Hurayra, que je n'ai pas, malheureusement pas noté, qui est lui authentique, qui laisse apparaître que le châtiment cessera, et en fait ce athar doit être interprété par le châtiment des gens du Tawhid, que leur châtiment finira par cesser un jour ou un autre. Quant aux kuffar et aux autres, eux, leur châtiment sera éternel dans le feu. Parmi ces affaires, il cita, rahmallahu ta'ala, « Qala ibn Mas'ud, layatiyanna ala jahannam zamanun tarfiku abwabuha laysa fiha ahadun, wa zalika ba'dama yalbathuna ahqaba, wa ibn Abbas annaha ta'kuluhum bi amrillah. » Donc, selon ibn Mas'ud, il est venu, il a dit qu'il viendra un temps où le feu fermera ses portes et qu'il n'y aura plus personne. Après cela, que les gens y aient vécu des siècles successifs. Et selon Ibn Abbas, il dit que le feu mangera, c'est-à-dire les mangera tous, par ordre d'Allah. C'est-à-dire qu'il ne restera plus personne dans le feu. Et ce qu'on a également fut attribué à Sheikh al-Islam et Ibn al-Qayyim, rahimahumullah. Et après, un frère d'ici, après avoir fait une recherche, s'avère qu'il dit que, déjà, Sheikh al-Islam, il a un livre justement qui réfute cela. Il dit, Arad al-Aman ya Rabbi fina al-Nar, ou fiyad al-Ma'na, qui réplique à ceux qui voient que le feu cessera. Ibn Qayyim, après recherche, les paroles disant que le feu cessera, ne sont pas claires. Ne sont pas claires. Ce n'est pas une chose forcément qu'il affirme. Parce que des fois, Ibn Qayyim, il a un uslub dans sa façon d'écrire. C'est qu'il cite l'avis des opposants. Et quand tu lis l'avis des opposants, il est tellement neutre que tu crois que l'avis de l'opposant, celui qui est faux, il est vrai. En fait. Vraiment, pour te montrer la force du débat, il cite deux avis différents dans une mas'ala. Il cite l'avis de l'un, l'avis de l'autre. Mais il cite les deux comme si lui, il était d'accord avec les deux, en fait. Et au final, il cite le targhir. Donc il se peut que le kalam qu'il citait par rapport au fait que le feu va s'éteindre, d'accord, il a cité d'une façon qui faisait apparaître qu'il était d'accord avec cela. Ce qui n'est pas le cas, apparemment. Wallahu ta'ala. Mais je n'ai pas lu ses paroles, mais des fois, on fait des recherches et on dit qu'en réalité, Ibn Qayyim n'a pas affirmé cela. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Donc l'auteur reprend en disant. قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه النار التي لا تبقى فيها أحد يتعين حملها على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين كما جزم به البغوي في تفسيره لأنه يحصل به الجمع بين الأدلة ويعمل الدليلين أولى من إلغاء أحدهما وقد أدبق العلماء على وجوب الجمع إذا أمكن. Donc lui il voit l'auteur que ce hadith qui parle مثلا que le feu cessera ou que des gens cesseront d'être dans le feu, il dit que cela, on doit l'interpréter par les gens désobéissants de la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme ce fut la vie de Al-Barawi dans son tafsir. Qui a dit pourquoi, en faisant cela nous permet de pouvoir joindre entre les adillets et plutôt que d'annuler l'un des deux. Car comme on l'a pris dans Soul al-Fiqh, quand on a des adillets, tant qu'on peut faire joindre entre les deux, on est obligé de le faire. On ne peut dire, ce dalil, il est annulé, celui-ci est valide. Tant qu'on peut joindre entre les deux. Et là, c'est faisable. Là, c'est faisable. Donc, tant que c'est faisable, c'est obligé de le faire. Amma ma yakulu kathir min al-ulama min al-sahaba wa man ba'dahum anna an-nar tanfi wa tanqati' al-azab an ahliha fal ayatu al-qur'aniya taqtadi' adam sihati. Donc, il dit, et maintenant, ce qui est venu par rapport à des ulama et parmi les sahaba, beaucoup d'entre eux, d'après ce que l'auteur dit, mais en fait, ils ne sont pas si nombreux que ça à avoir dit cela, que le feu finira par s'éteindre et cessera de ces gens. Il dit que les versets du Coran clairs s'opposent à cela. Et les hadiths kazalik s'opposent à cela. Donc, bila shak, la hujja, c'est le Coran et la sunna. Naam. Et de toute façon, ces athars, comme on l'a stipulé, après la longue recherche, se sont avérés être inauthentiques, être faibles. Akada. Donc là, on va arrêter ici pour la première partie. Et on peut suivre dans le prochain dars, bi'iznillah ta'ala. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.